Voici votre bulletin régional. Dès le 14 mai, 19h, à la salle Aurélien Rivard d'Asket Corner, et cela pour 8 semaines, se donnera un cours de Zumba. 60$ pour un adulte, 30$ pour un enfant ou 80$ pour un adulte accompagné d'un enfant. Faites vos chèques au nom de la municipalité d'Asket Corner. Pour ceux qui désirent payer à la séance, 10$ par adulte et 5$ par enfant. La municipalité d'Asket Corner se joint à la Croix-Rouge pour offrir un cours de secouriste et gardiennage et je me garde seul le 15 mai au centre communautaire d'Asket Corner. Pour plus d'informations, Annie Simard ou 819-239-3552. Les 15 et 16 mai se tiendra une vente au profit de l'église Saint-Louis de Hastings au 166 Saint-Jean-Est, sous-sol de l'église et du presbytère, et 185 Saint-Jacques. Petits meubles, décorations, articles de cuisine, laiterie, articles de sport, livres et beaucoup d'articles neufs à prix réduit jusqu'à 75%. Information, André Nadeau, 819-832-2315 ou Marie Aubin-Roy, 819-832-2589. À Hastings, les 16 et 17 mai, se déroule la grande vente de garage dans toute la ville. Deuxième tournoi de golf annuel Héritage le 16 mai au Quaticook Golf Course. C'est organisé par le musée d'Eaton Corner. Le 16 mai, à la salle des loisirs de Saint-Isidore, Christelle Mongeau et Adrien Aubert seront en spectacle. Tous les profits serviront à la réfection du bâtiment. Pour information, appelez Francis au 514-588-9904. C'est le 16 mai à 9h à l'hôtel de ville de Skostan que se tient la consultation publique de la municipalité dans le cadre de l'élaboration de la politique familiale municipale et municipalité amie des aînés.